Ruissellement. Ensemble, nous reprenions la route vers les montagnes de l'Adamawa, à plusieurs milliers de kilomètres de là. J'étais un peu stressé, car comme je ne pouvais pas traverser par l'enclos sénégalais, j'allais devoir les contourner en repassant par Nouakchott, Mauritanie, puis la route Nouakchott-Bamako, Mali. Rouler dans le sud mauritanien exigeait une certaine prudence vis-à-vis de représailles. Avant d'être à la tête de la police de la douane du Nord, les fous que j'avais fait virer avaient travaillé plusieurs dizaines d'années dans la région sud que j'ai traversée. La routine des fonctionnaires est incapable de gérer l'inattendu. J'ai compté moins sur la vitesse que sur l'effet des surprises. Être plus fou qu'un fou, c'est sensé. Après une courte visite à des amis sur Nouakchott, j'emprunte la route baptisée de l'espoir. Espera, en espagnol, veut dire attendre, que l'on peut associer à la définition religieuse de l'espoir. Une intervention surnaturelle pour résoudre un problème. Sur cette voie, n'espérez mathématiquement pas une bonne route, mais n'espérez physiquement pas non plus à trouver une meilleure après. En Mauritanie, tu slaloms entre les nids des poules. Au Mali, tu es obligé de choisir les nids des poules. Au Niger, c'est la taille poulailler. Près du lac Tchad, tu peux juste rêver des goudrons. En Afrique, l'état des routes est une histoire de plumes et de goudrons. L'état et les routes, une histoire de poulets. Un dicton explique que si tu veux traverser un fleuve en pirogue, prends avec toi des poulets. Si en route tu rencontres un caïman, donne-lui un poulet et espère en avoir assez pour atteindre l'autre auberge. Les frontières sont réputées infestées de gros caïmans. Pas de problème. J'ai passé les douanes Sud-Mauritanie, Nord-Mali, et c'est là sans avoir eu des nouvelles du fou. Ouf! Quelques informations qui n'ont peut-être aucun lien entre elles. Cette région est le fief de la famille Khan. Lors de la colonisation, ce nom de famille a été francisé de l'arabe Khan. Quand on sait que ce sont les petites dunes des alentours qui ont donné leur nom à l'opération Barkhane, cette vaste répression des populations en vue du maintien de trafic mafieux mené par l'armée française, ma famille pourrait se sentir visée. D'autant plus que dans les langues sémitiques, Bar veut dire fils d'eux. Mais cette opération n'était pas encore d'actualité, c'est 19 avril 2011. Pour moi, ces jours-là, les barrières du Sahel s'élèvent. La douane malienne me donne 10 jours de permission de circulation sur les territoires maliens. Les douaniers me disant qu'il serait très facile de faire une prolongation à Bamako. Je roule donc tranquillement jusqu'à la capitale, où je me présente 3 jours après à l'office central des douanes pour y faire prolonger mon autorisation. Après quelques heures dans une longue file d'attente, je rencontre un fonctionnaire dans un bureau affreusement luxueux. Il me dit « Il faut attendre la fin de la première permission, puis en demander une nouvelle. » Quand je lui demande les coûts financiers à prévoir, il me chasse de son bureau. Dans quelques jours, j'allais être comme un grain face à un poulet. Il fallait savoir. Alors, je rattrape mes prédécesseurs de cette file d'attente pour savoir combien eux ont dû payer. Pour notre voiture, 700 euros pour 2 mois de prolongation. Pour moi, hors de question. Le soir même, je reprends la route avec l'intention de faire 1500 km en 5 jours. À partir de Bamako, je roule la journée, car l'état des routes demande une certaine attention. Attention insuffisante car, lors d'un croisement, ma remorque, 1000 kilos, mordu sur les bas-côtés dans un trou d'un mètre. Résultat, les châssis et le train étaient cassés. La réparation des fortunes du village le plus proche n'a pas tenu longtemps, mais elle m'est permis de rejoindre Ségou, la capitale du royaume des Bambara. J'y trouvais des soudeurs hors pair qui me réparèrent et consolidèrent la remorque d'une façon géniale. Je l'ai dit aussi bien en tant que fils des soudeurs de l'école africaine qu'en tant qu'ingénieur. Je sentais l'héritage des anciens forgerons mis au service de ma mission. Leur amélioration de la remorque reflétait l'intérêt qu'avait pris la France à exploiter leur savoir-faire, mais aussi les fatals déficits de reconnaissance du travail de mon paternel. C'est vivement que j'ai repris la route en traversant par Mopti, Gossi, Gao, puis la frontière avec le Niger. Au passage, j'ai rendu visite à Magdalena, Robert et leurs amis qui campaient depuis quelques mois dans les montagnes de Banjangara. Ils étaient enchantés par l'Afrique et les Africains, hormis fonctionnaires. Certains parlaient même d'y vivre. Robert, lui, avait décidé de partir faire du trafic des diamants au Libéria. Pas une bonne idée. Il partit, il vit et revint en Europe, pas plus riche financièrement. Travailler pour ceux qui veulent briller par autre chose que leur réflexion est bête. J'attire votre attention. Et rien n'est plus précieux que la vie et mortifère que la vanité capitaliste. Malheureusement, Robert n'est pas le seul à risquer sa vie pour satisfaire l'orgueil et la coquetterie capitaliste. Par exemple, si vous empruntez les grands axes de circulation africains, vous rencontrerez sûrement des caravanes qui roulent extrêmement vite. Ce sont des convoyeurs de voitures. Comme il n'y a pas de camions pour acheminer des véhicules, entre autres, entre les ports de Dakar, capitale du Sénégal, et Niamey, capitale du Niger, 4000 km, des chauffeurs sont payés pour les conduire sur les points de vente. Leur technique est la suivante. Celui qui a la voiture la plus puissante prend de l'avance par rapport au convoi. Son but est d'arriver au checkpoint de police avec suffisamment de temps d'avance pour présenter les papiers de tous les véhicules et payer les bakchis. Les policiers lèvent alors la barrière en dessous de laquelle le convoi va passer sans s'arrêter, à plus de 100 km/h. Les chauffeurs ayant les documents courent alors à son bolide et part à toute vitesse, 150-200 km, voire plus, car il doit non seulement rattraper les convois, mais les dépasser et reprendre suffisamment d'avance avant le prochain checkpoint, quelques dizaines de kilomètres plus loin. Ce sont les meilleurs pilotes du monde, mais les carcasses en chair et en os ou en fer témoignent de leur dangerosité. Pas seulement pour eux, mais aussi, surtout pour les animaux, les enfants, le public et les autres usagers de la route. Si vous les voyez arriver dans votre rétro avec les pleins phares et à grands coups de klaxons, un conseil, garez-vous. Sur les routes du Sahel, voyagez accompagné de prudence et défendez la vie avec chaleur, car les agents étatiques sont trop préoccupés par la leur. Des vies. À cette date de fin avril, début mai 2011, furent enregistrés les records de chaleur au Mali. À Gao, ville qui, quelques mois après, sera contrôlée par les rebelles Touareg, la température était de 47 degrés à l'ombre. Je m'égarais en brousse sous des arbres, mais la chaleur me rendait malade et j'avais des hallucinations. Les personnes à la couleur de peau claire ont beaucoup moins de facilité pour lutter contre les chauds. Scientifiquement, cela vient de la dissipation de la chaleur par radiation. Elle est favorisée par les corps et surfaces noires. Les échanges thermiques sont meilleurs, donc une plus grande capacité à se refroidir. Pour contrer mon déficit en mélanine, j'avais trouvé une astuce importante. Tout le monde est rouge au fond. Alors, pour résister à la chaleur, utilisez l'absorption d'eau froide. Sur les routes, les vendeurs des crèmes glacées sont rares, mais il y a toujours des vendeurs d'eau plus ou moins fraîche. S'il y a eau fraîche, il y a forcément pas loin un magasin qui vend des blocs de glace. Le plus souvent, ce sont des sacs d'eau potable congelée. Je vous conseille d'en acheter 3 ou 4, puis de le mettre dans un grand saladier avec de l'eau. Vous placerez ensuite les tout sur vos cuisses. Ainsi, au fur et à mesure que la glace fond, il s'est créé un microclimat au niveau des torses. En plus, vous pouvez siroter l'eau tranquillement. Mais attention, n'avalez pas directement l'eau glacée, sinon c'est l'angine assurée. Donc, il faut garder l'eau dans votre palais. C'est là le temps qu'elle se réchauffe, mais aussi qu'elle refroidisse votre tête. C'est seulement quand elle vous paraît tiède que vous pouvez l'avaler. C'est la recette idéale pour passer les pics de chaleur, 12 heures, 16 heures, pendant lesquelles il faut faire une pause. Roulez, roulez, roulez. La traversée du Mali fut très frustrante, pas de pause. Je devais arriver dans le temps à l'air douane. Ce qui fut le cas le 29 avril. Heureusement, les récolteurs des taxes nigériens ne m'a pas trop fait des tracasseries et contre quelques 25 euros, 15 000 francs CFA. J'ai eu une autorisation de circuler pendant un mois. Je pouvais maintenant m'arrêter tous les 50 kilomètres. De toute façon, j'avais brûlé tout mon stock d'huile propre et donc ces étapes étaient nécessaires. Chaque soir, je remettais une 20aine de litres en filtration. Le lendemain, l'huile nettoyée était envoyée dans le moteur pour l'avancée de la journée. Une fois tout brûlé, je m'égarais en rase campagne, la brousse, et c'est dans les zones les plus éloignées des agglomérations. Pourtant, jamais je ne fus seul. N'importe où, il y avait toujours des personnes qui sortaient de nulle part et qui venaient discuter pendant quelques heures. J'en profitais pour leur montrer mon fourgon ainsi que le fonctionnement du moteur avec de l'huile végétale. Je leur préconisais aussi d'utiliser l'huile d'arachide pour leur moulin à moteur diesel et avec lequel ils produisent de l'huile. Ça fonctionne super bien avec l'arachide, avec un litre utilisé pour plus de 10 litres produits. Je leur parlais également de mon projet de haut fourneau et de ma route passée. En échange, ils m'informaient sur la route future, la politique et leur ambition. C'était mutuellement intéressant. Par contre, un jour, je voulais ne pas être dérangé. Je devais absolument filtrer plus que d'habitude car la veille, j'avais subi une tempête de sable. Des grains avaient pollué mon système de filtration. J'ai décidé donc un après-midi, de m'enfoncer 1 kilomètre dans la brousse pour être sûr de ne rencontrer personne. J'étais entre deux dunes, absorbé par mon travail, quand j'entends une voix grave au-dessus de moi. « Que la paix soit en toi. Assalamu alaikum. » Je me retourne et je vois un contre-jour perché à 4 mètres sur un chameau blanc, un Touareg. Il était habillé d'une tenue couleur sable, ce qui faisait ressortir son sabre brillant, courbé et de 70 cm de long. En plus, d'un petit mouvement de recul, j'ai dû répondre d'une voix un peu trop aiguë, « Qu'en toi, elle soit aussi. » Malikoum salam. J'ai senti qu'il rigolait sous son turban, sèche. Les chameaux étaient chargés des tapis, des casseroles, des sacs, et pourtant, quand ils continuèrent leur route, les silences. Même les pas sur le sable ne faisaient aucun bruit. J'aperçus alors, assise dans l'autre sens, une femme, habillée en rouge vif et tranchant. Je ne sais pas si c'est l'adrénaline ou la beauté de l'authenticité, mais cela m'a marqué. Je suis sûr qu'ils ont dû se vanter de m'avoir surpris et dire un truc comme même les chameaux à rigoler. De mon point de vue, je ne pourrais pas les certifier. Pour les humanistes, les populations locales ne sont pas en danger. Surtout que plus on est au cœur du continent, moins forte est la corruption par les cadeaux. C'est parce qu'il y a peu de véhicules qui arrivent jusqu'à là. Et ceux qui arrivent ont déjà été dépouillés. Ici, les habitants s'approchent par curiosité ou pour essayer de commercer. Eau, arachides, mangue. En mai, la saison des mangues commence. Elle se drape des couleurs rasta, vertes, jaunes, rouges. Attention, ces fruits est une drogue dure. Les papilles humaines et les cerveaux qui leur est associé ont été originellement programmés pour en être addicts. Leur absorption engendre un fort sentiment de plaisir et un étouffement des perspectives de la digestion. Cela peut aller jusqu'à une perte de dignité. Rien à voir avec la mangue des supermarchés. Ici, elles sont sauvages, sans pesticides. Certaines se sont décrochées naturellement à maturité. D'autres jus des cieux ont été judicieusement sélectionnés à petits coups de bâton. Chaque mangue a un goût différent. Un peu comme une boîte de chocolat. Jaune, mature, fermentée, sucrée, acidulée, juteuse, laiteuse, goûteuse, filandreuse, molle, tendre, dure, trop bonne. En bord de route, le problème est qu'elles ne sont pas vendues à l'unité. Pour 1,50 € ou 1000 CFA, 10 kilos. À chaque fois, je me promettais d'être raisonnable. 3 maxi par jour. Et chaque fois, la nature arrivait à me convaincre. Pas bon. Consciemment de toutes les excuses pour tomber dans la gloutonnerie. C'est leur conservation qui était la meilleure. Je n'allais pas les jeter. Bon, logiquement, j'aurais pu donner 1000 CFA, prendre 3 mangues et leur laisser le reste des fruits. En fait, inconsciemment, mon cerveau estomac m'a beaucoup abusé. En contrepartie, la liquidité de mes selles m'obligeant à m'arrêter précipitamment, c'est donc suite aux conséquences de ma gourmandise que j'ai découvert des coins, des recoins et des petits coins imprévus et magnifiques. Les bas-côtés des routes africaines sont extraordinaires. Les champs, les rivières, le désert, la brousse, la jungle, les pâturages, le marais, les montagnes, évidemment nettoyées à l'eau avec la main gauche et rien laissé aux bactéries. Plus généralement, au niveau de la nourriture, il vaut mieux manger local. Chaque lieu a un plat adapté aux conditions climatiques. Par exemple, dans les régions très chaudes, à midi, du couscous avec du lait concentré. Ça peut être mangé froid, et les soirs, des lentilles ou des haricots blancs. Attention aux haricots rouges d'expérience. Je m'étais fait mon petit stock de ces aliments en m'arrêtant au grand marché de Niamey. Niger, Cependant, l'objet de ma visite avait pour but principal de m'équiper pour les sables. C'est donc pour l'affronter que j'ai acheté quatre grosses planches et une pelle. C'est l'indispensable, car les routes, au fur et à mesure que l'on se rapproche du lac Tchad, deviennent en trois dimensions. Pourtant, la topographie y est plutôt plate. Sur cette portion, rouler se résume à savoir s'il vaut mieux monter sur la route ou descendre sur les bas-côtés. Autrement dit, est-il plus rentable d'utiliser des portions de goudron défoncées, des longueurs aléatoires et se finissant par un trou? Ou vaut-il mieux risquer l'ensemblement en contrebas? Il faut les voir pour les croire. Souvent, le sable est mieux. J'ai fait 2000 kilomètres sur les routes du Niger, après la pause des 3 jours à Niamey. Passage par Maradi, puis Zinder, pour arriver à Diffa. C'est dans cette dernière ville que j'ai vendu ma remorque contre 120 euros et une promesse de l'utiliser pour la vie. Très bonne affaire pour l'acheteur, mais j'avais décidé de ne pas faire des profits ou de profiter d'un commerce inéquitable. Je l'ai acheté à 120 et je la revends à 120. En prime pour lui, la cuve attachée sur la remorque. J'avais fait 10 000 kilomètres depuis Albertville, donc elle est maintenant vide. De plus, la population m'avait averti que la route vers Ngimini n'était pas en état. Mais erreur. Après avoir demandé à des fonctionnaires locaux, ils m'assurèrent de la faisabilité du parcours. Ngimini, c'est le passage obligé pour contourner les lacs Tchad par le nord, pour ensuite rejoindre N'Djamena, Tchad, et ainsi éviter le nord Nigeria. Ce n'est pas le chemin le plus court pour N'Djamena, mais depuis les champs d'oranges espagnols, en passant par le Sénégal jusqu'à Diffa, Niger, tous mes conseillers, sans exception, m'avaient dit, surtout ne passe pas par le Nigeria. Avisé, j'arrivais à 20 km d'Ngimini. Quant au sommet d'un vallon, la route disparaît. J'ai descendu à pied faire une reconnaissance dans le creux avant de m'engager. J'y vis des ornières d'un mètre et aucun passage possible. J'ai décidé donc d'attendre pour voir comment passaient les locaux. Après 3 heures sans aucun véhicule, je me rendis à l'évidence. Il y avait une autre route. Effectivement, en revenant sur 3 km, j'arrivais à l'embranchement d'un chemin de brousse où des personnes attendaient. Ils m'expliquèrent que les routes ont été abandonnées au profit des pistes, une personne me proposant de m'accompagner. Après avoir dégonflé mes pneus au maximum pour avoir une meilleure portance sur l'herbe à chameau, nous nous sommes lancés. Je me suis planté 3 fois en quelques kilomètres, assablé jusqu'au châssis, sachant qu'il me reste 200 kilomètres de piste à faire. Je me résolus à rebrousser chemin et ramener mon passager. Décision était prise de passer par le Nigeria. Retour à Diffa et sa douane Niger-Nigérien. La frontière est délimitée par une rivière presque asséchée. La nuit, on peut entendre les bruits de moteurs d'une importante circulation, mais sans phare. C'est marrant. À la douane, il y a des petites maisons de chaque côté, d'un pont à une voie. Je le traverse avec mon passeport sénégalais. Malheureusement, je devais ensuite me présenter à l'office des douanes de Damasak, Nigeria, pour régulariser mon véhicule. La route entre Diffa et Damasak Étant en construction, j'ai dû suivre les traces des camions sans pouvoir les emprunter car trop profondes. Donc, 18 km de hors-piste, mais j'ai commencé à prendre le coup. Pour ne pas s'enfoncer, il faut pousser le rapport à fond. Et quand le moteur va caler, passer la vitesse inférieure. Conduite très sportive, saut des dunes et plongeon dans le sable. Quand j'ai rejoint la route goudronnée, j'ai dû faire du ménage. Tous les tiroirs s'étaient ouverts, toute la vaisselle cassable était cassée et de l'huile avait giclé de partout. Une fois au poste des douanes, un fonctionnaire me fit une autorisation et me la donna. Puis, il me demanda de l'argent. Je lui dis « Ok, mais je veux une facture ». Ne pouvant m'en fournir une, il ne voulait pas me rendre les papiers du véhicule tant que je ne lui rendais pas les papiers qu'il venait de me faire. La situation dégénéra. On était à deux doigts d'en venir aux mains, surtout lui. J'ai pris les documents produits et roulé jusqu'au commissariat pour leur expliquer la situation. Lorsque j'ai voulu m'égarer devant, les gardes pointant son arme sur moi, en me gueulant d'aller stationner ailleurs. Il y avait de la tension dans l'air. Cependant, les commissaires téléphonant au chef du département des douanes, qui me dit de retourner voir son subalterne. Pendant ce temps, il allait lui passer un coup de téléphone. À mon retour, ses sous-fifres étaient devenus tout gentils et m'a fait tout gratuit. Étonnant, mais il ne m'a pas souhaité bonne route malgré une salutation majeure de ma part. C'était la fin de l'après-midi. J'ai décidé donc de poursuivre ma route. Quand les militaires ont vu que je reprenais la route de l'Est, ils m'ont rattrapé à moto avant la sortie de la ville. Encore une discussion très nerveuse. Ils m'interdisaient de passer par là. Il y avait de la tension dans l'air. En conclusion, un soldat a dit texto « Laisse-le partir, ça nous fera une excuse pour aller le chercher. » D'expérience, je sais qu'il ne faut jamais écouter les conseils d'un fonctionnaire ou accepter leur aide. Par exemple, systématiquement, lors de ces voyages, ils m'ont toujours indiqué les mauvaises routes pour me mettre dans la merde. Inversement, j'ai appris aussi à qui faire confiance et dans la foule qui s'était rassemblée pour écouter les débats. La population me préconisait aussi de passer par le sud, c'est-à-dire Maïdougouri, Nigeria. Pour cette fois, j'obtempère. Je reprends la direction vers le sud, escorté par un policier jusqu'à la sortie sud de la ville, où on décide d'un commun accord que j'allais passer la nuit à 100 mètres du checkpoint. 2 heures après, à travers mon pare-brise, je vois un minibus arrêté à ses postes de contrôle. Les passagers sont sortis et des jeunes sont mis à part. Les autres remontèrent dans le bus et partirent. À ce moment-là, les militaires commencèrent à fouetter les deux hommes avec une ceinture. Ayant une intolérance à la violence et de l'empathie pour les êtres humains, j'ai couru pour arrêter leur pratique. Ils chargèrent leurs fusils et me mirent en joue. Brièvement, je leur explique mon désaccord pendant que le bourreau me gueulait. « Ce n'est pas ton business! Ce n'est pas ton business !» Puis, ils m'ont sommé de passer les checkpoints en m'invitant à aller m'égarer très très loin. Je ne sais pas s'ils ont recommencé à le fouetter après mon départ, mais je leur aurais au moins offert un peu de répit. Il y avait décidément de la tension dans l'air. 2 jours après, vers midi, j'arrive à Maïdougouri, où à l'entrée de la ville, il y avait une densité de militaires que je n'avais pas vu depuis la Youn, chez les Sahraouis dans le Sahara occidental. La ville était très grande, avec beaucoup de circulation et aucune place de parking libre. Pourtant, j'avais besoin d'acheter des filtres à café pour continuer la filtration de mon huile. Il me restait 200 litres maintenant, entièrement stockés dans des bidons à l'intérieur du fourgon. D'un seul coup, je vois à droite une rue avec plein de places de stationnement. Je braque, je m'égare, je barre et je pars à pied pour essayer de trouver un revendeur de filtres. Mission impossible. Donc, après 3 heures de marche, je reviens au fourgon. Là, 3 personnes en civil m'attendaient et commencèrent à gueuler. Décidément, ici, ils ne savaient pas parler calmement. Je refuse de leur présenter mes papiers d'identité tant qu'ils ne me prouvaient pas leur appartenance à la police. Ils m'informèrent alors que de l'autre côté du mur, de 6 mètres de haut, c'était le commissariat. Alors, allons-y. Au portail d'entrée, il y avait plusieurs jeeps avec mitrailleuses lourdes et des dizaines de militaires équipés de fusils d'assaut, casques et protections par balles. Lorsque nous arrivâmes à leur niveau, ils se mirent au garde-à-vous. J'ai donné mes papiers à une des Tortues Ninja qui le remit à un de mes accompagnateurs. Il me regarda en me demandant « Tu comptes vraiment rester garé là cette nuit ?» Je lui confirmai et contre ma promesse de partir le lendemain à la première heure, il me rendit mes papiers. J'ai passé une excellente nuit, pas un bruit. Le lendemain, j'ai repris la route comme convenu. Il me restait 2 jours pour arriver à la douane Nigeria-Cameroun et 120 kilomètres. Tranquille. Par contre, je ne savais pas qu'à partir de Maïdougouri, il y avait des checkpoints tous les 2 kilomètres. À chaque fois, négociation pour ne pas verser dans la corruption. 4 ou 5 fouilles complètes pour voir s'il n'y avait pas des armes. En début d'après-midi, je n'avais fait que 60 kilomètres en 6 heures. Pour me restaurer, je décide donc de faire une pause sur la seule petite butte. Une surélévation de 20 mètres sur 20 mètres, en herbe à chameau, à 50 mètres de la route, avec sur un des côtés le seul arbre des environs. Devant moi, le paysage était plat à l'infini. Je m'étais garé, pointé vers le nord, mais j'avais vu qu'au sud, un nuage noir arrivait. Cool, de la pluie. La dernière fois que j'en avais eu, c'était à Ceuta, 5 mois plus tôt. Le vent a commencé à souffler. Il soufflait de plus en plus fort, puis à une vitesse que je n'avais jamais vue. Pourtant, avec mon éolienne, je m'étais garé dans les endroits le plus venté possible. Il soufflait si fort que j'ai dû resserrer mon frein à main. Puis, la pluie a commencé à tomber presque à l'horizontale. Elle arrivait par l'arrière et elle ne touchait pas le pare-brise. Après la force, deuxième grande surprise, la quantité d'eau qui tombait. Elle était inimaginable. C'est à ce moment-là que je me suis dit « Impossible, il y a un truc que je n'avais pas compris ». J'allais à l'arrière de mon fourgon et j'ai ouvert une encyclopédie à la page « Fonctionnement atmosphérique » Liquid Edition 1978, où j'ai pu apprendre que dans la zone située entre les tropiques, plus il fait chaud, plus les pluies sont abondantes et violentes. Depuis les nombreuses années, j'ai pensé qu'avec les réchauffements climatiques, cela allait provoquer des sécheresses, surtout en Afrique subsaharienne. Or, c'est l'inverse. Ce qui se passe est une aubaine pour tous les agriculteurs de la bande Sahel. C'est une information de première importance, car elle explique de nombreuses manigances et notamment les tentatives d'accaparement de leurs terres par Bolloré et compagnie. Mais revenons à l'orage sous lequel j'étais. Il était tout particulièrement violent. D'ailleurs, j'ai appris plus tard qu'il avait tué 12 personnes sur son passage. Pour moi, la seule conséquence après 2 heures fut que je me retrouvais sur une île. J'étais entouré par 40 cm d'eau et c'est jusqu'à l'infini. J'aurais pu rejoindre le lac Tchad en pirogue. Après 1 heure, il ne restait plus que 10 cm, le reste ayant été absorbé par le sol. Cette hauteur nous permit, un chauffeur routier et moi, d'aller porter secours à un taxi-brousse dont les passagers avaient fini l'orage accroupis sur leurs chaises. Leur moteur redémarré et les taxis sortis des ornières, j'ai commencé à discuter avec les chauffeurs du poids lourd. Ils transportaient des pièces des voitures. Ce matin-là, ils avaient crevé une roue et avaient dû s'arrêter à 50 mètres de là. En attendant la décrue et le retour de ses apprentis partis réparer les pneus, nous montâmes sur le talus pour observer ce qui s'est passé sur la route. Elle était en terre battue et argileuse. L'eau ne s'y infiltrait pas pour l'instant. Mais bientôt, nous fûmes pris des crises de rire. Les rires malsains de voir souffrir les autres. Celui de la chute, celui du vidéogag, la joie du dommage. En allemand, Schadenfreude. Devant nous, la scène était pourtant triste, mais nous pleurions des rires devant autant de bêtises humaines. Nous étions au point le plus bas entre 2 petits villages, à 1 km de part et d'autre, donc là où les niveaux d'eau étaient les plus hauts. Au début, la route submergée entre les 2 talus de 2 mètres de haut ressemblait à un canal. Les voitures arrivaient à passer sur le sol encore dur. Mais au fur et à mesure que l'eau pénétrait et que les voitures labouraient les passages, la route s'est transformée en marais de plus en plus boueux. C'était marrant. Toutes les voitures qui s'engageaient n'avaient plus le choix à cause des talus. Leurs chauffeurs devaient se battre pour aller jusqu'au bout de la boue. Mission devenue impossible sans aide après 1 heure de circulation. Ce fut la fortune pour les villageois qui, bien sûr, proposaient leurs services contre rémunération. Il y avait plus d'un millier de chauffeurs naufragés. Ce soir-là, j'ai mangé avec ces routiers et ces apprentis autour d'un feu que nous avions fait sur mon île. Il m'a appris ce qui s'est passé aux alentours où une dizaine de militaires mouraient chaque semaine. Il m'a appris notamment pourquoi personne ne s'égarait jamais autour du commissariat de Maïdougouré. Il était attaqué pratiquement tous les jours avec des mitrailleuses, cocktails Molotov et lance-roquettes. L'armée avait totalement perdu le contrôle de la région, hormis cette route. C'est bien ce que j'avais ressenti. Il y avait des tensions dans l'air. Pour info, depuis 4 ans, je ne lisais pas, je n'écoutais pas, je ne regardais aucune source d'information officielle. Donc, j'avais vaguement eu connaissance de l'existence d'un groupe armé dans le nord du Nigeria. Sans plus. J'y portais tellement peu d'importance que suite à cette discussion, je n'avais même pas mémorisé leur nom, Boko Haram. En allant me coucher, j'étais plus impressionné par les spectacles de plusieurs milliers de phares alignés dans un bouchon infini et dans les 2 sens. Les cris et les klaxons se sont arrêtés vers minuit. Les conducteurs résignés et tous les véhicules définitivement embourbés. Au petit matin, il y avait des milliers de veaux, des vaches et des taureaux qui marchaient autour du fourgon. Nous étions à l'époque de la transhumance. Quand je suis allé voir sur la route, j'ai compris que ces animaux sortaient des bétaillères qui s'était enlissé et avait scellé définitivement les passages. Par chance, moi j'étais sorti de la route. Étant de l'autre côté des talus, devant moi, la terre sablonneuse était vierge de tout passage. Néanmoins, elle était parsemée de grandes mares inexplorées. Technique apprise par observation à la veille, pour passer une étendue d'eau, ce qui compte après s'être assuré qu'elle n'est pas trop profonde, c'est la vitesse. Donc à fond, première, deuxième, troisième, 30, 40, 50, vitres fermées, les essuie-glaces à max, plongeons, gerbes, glissades, frayères et redécoration de l'extérieur à Maroz jusqu'au toit. J'arrive au premier village. La circulation avait été bloquée derrière moi, donc durant les 60 km suivants, j'étais le seul sur la route. Au checkpoint, ils voulaient plus d'informations sur les dégâts de la tempête que de l'argent. Leur expression pour les demander était littéralement « money force gain ». Perte des salives, je ne leur en donnais jamais. La douanière nigériane fut fort surprise, étonnée et déçue de me voir arriver. Elle me laissant passer chez les crevettes après quelques coups de téléphone. En l'an 1475, des Portugais remontés en fleuve d'Afrique, loin dans le sud, avaient remarqué qu'ils regorgeaient des crevettes. Ils les baptisèrent donc crevettes, en portugais camarão. 600 ans après, à 1000 km dans une région d'élevage, aux croyances musulmanes, des personnes étaient payées pour défendre la singularité, l'identité et l'entité Cameroun crevette. Difficile, impossible, ici les hommes du cru jonglent avec quatre identités nationales. Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad. La merde. Par la suite, je vais devoir encore traverser plus d'une dizaine de ces soi-disant frontières. Donc, pour définir et illustrer une bonne fois pour toutes ce qui se cachera ensuite sous les mots « tracasserie administrative », je vais raconter mes démarches à la douane camerounaise de Foutokol. Mon but était simple, traverser les 50 km camerounais qu'il y a entre la zone militarisée par l'administration nigériane et celle tchadienne. Pour ce faire, je me présentais aux policiers camerounais en disant que je voulais obtenir un visa de transit. Constatant que je ne leur donnais pas d'argent, ils m'envoyèrent directement sur une fausse route, à l'autre bout de la ville. À l'office de police, puisque je ne voulais toujours pas donner d'argent, à 17h, un policier me fait un visa valable jusqu'à minuit le soir même et me menace de prison si je ne pars pas immédiatement. Il savait que je ne pouvais pas y arriver dans le temps. Mais surtout, son but était que je me précipite sans faire les autres démarches. Ainsi, il comptait récupérer plus d'argent via ses collègues sur la route et tout particulièrement lors du demi-tour qu'il m'aurait obligé à faire pour reprendre un nouveau visa. Je n'avais pas fait un kilomètre que je croise un douanier qui allait à pied vers son poste. Il m'expliqua qu'il fallait enregistrer mon fourgon à la douane. Il monta dans le fourgon et nous fîmes demi-tour vers son lieu de travail, à 10 mètres du poste de police initial qui avait omis de me parler de cette étape. Je fis les documents douaniers sans problème. Mais impossible de faire l'assurance. La piste était trop mauvaise pour arriver dans les temps. Mais en plus, je les soupçonnais de m'attendre sur le goudron pour défaut d'assurance. Je garde donc mon fourgon avant de rouler dessus et je vais en transport en commun jusqu'à la ville de Kousséri. Là, je prends une assurance et je reviens incognito. Après avoir repris la route, un checkpoint police spécial assurance. Où, étonné, ils ont dû me laisser passer. Salutations majeures. Après d'autres tracasseries à la douane côté Cameroun vers Tchad, puis à celle du côté Tchad. À force, j'avais une crampe au majeur. Depuis mon expérience du No Man's Land, j'anticipais. J'avais pris un visa pour le Tchad à Niamey, capitale du Niger, et je me rendais à N'Djamena, capitale du Tchad, via le Nigeria pour obtenir un visa pour le Cameroun. Pour un habitant du coin, cela ne doit pas être facile d'aller voir ses cousins à quelques kilomètres sans faire 2000 kilomètres pour avoir toutes les autorisations. Ce n'est pas fonctionnel. À N'Djamena, l'ambassade du Cameroun se trouve à 200 mètres de la présidence, de l'autre côté de la place de la Nation. Au milieu trône un monument gigantesque. Un gaspillage horrible quand on regarde comment vivent les habitants. Ce monument est un investissement criminel d'une laideur coloniale. Ceux qui ont décidé de sa construction devraient être condamnés et très sévèrement punis. Loge-t-il à la présidence ou à l'ambassade de France qui est accolée? Sur un bord de cette place, il y a deux bâtiments côte à côte. L'un où travaille un dictateur et dans l'autre un ambassadeur qui lit des dictées. L'ambiance sur cette place est extrêmement mauvaise. Des jeunes m'ont même jeté des cailloux et sous les yeux de la police. Ensuite, je me suis garé en face de l'ambassade du Cameroun. Un soir, après des longues discussions avec la population, une personne est venue discrètement pour discuter avec moi. J'ai senti que c'était important car je le vis attendre des heures en retrait dans l'obscurité avant de m'aborder. En résumé, elle avait filmé les exécutions par les gouvernements des chefs des quartiers, une centaine de personnes. Elle cherchait quelqu'un pour faire sortir les images et les diffuser. Aujourd'hui encore, je culpabilise de n'avoir pu l'aider que par des conseils. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue et ces images n'ont jamais été diffusées à ma connaissance. Après 4 jours, le 5 juin, j'obtiens un visa de 1 mois pour circuler au Cameroun. Ayant encore quelques jours d'autorisation de circuler au Tchad, j'ai choisi de rouler vers le sud et de passer par la douane Tchad-Cameroun à Bangor. Il faut dire que cette décision était motivée par le fait que je ne souhaitais pas repasser par les précédents postes Tchad-Cameroun à Kousséri, car il devait subsister de l'animosité à mon égard et l'empreinte de mon majeur. La route en direction de Bangor était bonne avec du goudron tout le long. En chemin, ce fut l'occasion de goûter au lait des chamelles. Des femmes touaregs en vendent sur le bord de la route. C'est spécial. J'ai fait des crêpes avec. Ce lait était tellement riche et consistant qu'après des crêpes, j'étais rassasié pour la soirée. Cependant, l'événement le plus marquant de ces trajets fut une attaque des bandits. Comme bon goudron veut dire cadeau, donc je m'égarais en brousse pour passer la nuit. Vers 1h du matin, bien rassasié avec mes crêpes, j'étais couché sur les toits de mon fourgon quand j'entendis du bruit en côte bas. J'ai vu des ombres d'hommes qui se rapprochaient. Bang! Ils avaient fracturé la porte côté passager. Il y a des instants dans la vie où on se souvient exactement des mots qui ont été prononcés. J'entends une voix qui crie « Pas de problème, on ne veut pas de problème !» Il ne devait pas parler français et répétait sûrement des phrases des francophones qu'ils avaient apprises lors de ses précédentes agressions. J'allume toutes les lumières en gueulant. « On y va jusqu'à la mort, go, go, go !» C'est sorti comme ça, instantanément. J'en suis assez fier, car même en y réfléchissant des heures, je n'aurais pas pu dire mieux pour impressionner. Mais sérieusement, j'étais prêt à me battre, à tuer et à mourir. Je ne sais pas si c'est ma tirade imitant une opération commando, le fait que j'avais sorti un couteau de boucher, 30 cm, ou les camions qui passaient à ce moment-là, mais ils se sont éloignés pendant 10 secondes, ce qui m'a permis de refermer la porte. Quand ils sont revenus, la porte était en train de se rouvrir. Un bandit était en train de passer par la vitre arrière et j'étais en train de tourner la clé pour démarrer. Dans le film d'horreur, il y a toujours un problème à ce moment-là. Dans la réalité, merci au moteur Sofim 8140D qui démarra au quart des tours. J'ai dû arracher le bras de celui qui s'apprêtait à monter par la porte et j'ai dû traîner sur plusieurs mètres celui qui essayait de passer par la vitre arrière. Il a dû chuter sur la route à plus de 50 km/h. Je roule jusqu'à la première ville et je m'égare à la première lumière allumée. Bilan, un sac de vieilles affaires volées et les bols de pâte à crêpes renversés. Je m'endormis exténué vers 4h du matin. À 6h30, boum, boum, boum, contre le fourgon. Je me levai et constatai que c'était la police. Ils m'obligèrent à les suivre au commissariat immédiatement. Au départ, j'ai pensé que c'était pour un contrôle de papier, mais ils me demandèrent « Il ne vous est rien arrivé cette nuit ? Regardez ici, il y a des personnes arrêtées. » Une dizaine de personnes étaient assises dans un coin, torturées et blessées. Tout de suite, j'ai pensé que c'était un coup monté, une barbouzerie des pompiers pyromanes. À part moi et le voleur, personne ne pouvait être au courant de l'agression de la nuit. Soupçon confirmé, car avant même que j'y réponde, il m'avait demandé de l'argent. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y aurait dû se passer? N'ayant pu justifier d'un quelconque travail, car cela aurait prouvé leur implication dans l'agression, je repris directement la route pour rejoindre Bongor dans la journée. Le soir même, j'ai traversé la rivière Longone. Après les tracasseries douanières des Yagua, Cameroun, il ne me restait que quelques litres d'huile et 400 km à faire. C'est pourquoi je suis allé au marché de la ville des Garoua pour acheter 40 litres d'huile végétale, mais aussi et surtout pour commencer à m'équiper pour la jungle. Instrument indispensable. La machette, qu'il faut prendre de bonne qualité, surtout au niveau du manche. Outillé, j'ai cherché un cybercafé quand je suis passé devant une gigantesque maison avec des murs d'enceinte de plusieurs mètres de haut, un peu comme un château dans une forteresse. J'ai pensé que c'était un hôtel de luxe pour milliardaires néocolonialistes. Presque. La population m'informant que c'était la maison de Marafa Yaya, le troisième homme le plus riche du pays et à l'époque le ministre des Affaires territoriales. Ses collaborateurs étaient également un des amis de toujours de l'industriel français Bolloré. À eux deux, ils avaient les quasi-monopoles sur les transports de fret camerounais. Bolloré a les ports et les chemins de fer. Marafa a les camions. Par exemple, rien que pour alimenter la zone du Tchad, c'est un demi-milliard d'euros par fret. La population tchadienne étant enclavée par des frontières artificielles, elles sont les esclaves des douanes, idem pour les autres populations du Niger, du Mali, de Centrafrique. J'aurai affaire à Marafa et sa bande de bandits par la suite. Ils sont rares ceux qui ont toutes les autorisations pour passer les barrières des routes principales. Donc, c'est eux qui fixent les prix. Frontières et paupérisation vont de pair. Heureusement pour les Africains, les routes secondaires existent et elles sont pour eux les liens vitaux. Pour le moment, je reprenais mon chemin sans souci. La pluie tombait sur cette région depuis 2 mois et les bords des routes étaient devenus verdoyants. Je monte sans problème la tristement célèbre côte des falaises, portion de route des 10 à 15%. Réputation non usurpée, car rien que sur cette portion des 15 km, j'ai vu trois camions fraîchement et gravement accidentés, rupture de frein. Après avoir dépassé la ville de Ngaoundouré, terminus des trains Bolloré, j'arrive à la ville de Tibati. À partir de là, il n'y a plus de goudron. C'était la saison des pluies et dans les montagnes de l'Adamawa, les montagnes des premiers hommes. La piste qui rejoignait la ville des Bagnons paraissait bonne, sur les cartes uniquement. Le paysage était magnifique et mon fourgon voulait constamment l'embrasser, mais je n'aurais pas survécu à leur épousaille. Impossible de compter le nombre de fois où mon véhicule s'est transformé en luge, en sous-marin et même en bicyclette. Pourtant, nous arrivâmes ensemble au pont Banti, 30 mètres de long et au-dessus d'un précipice de 8 mètres. 2 mois plus tôt, un camion s'y était aventuré et le pont avait cédé. Blouf, la population m'assura qu'il allait être reparé dans quelques jours. J'attendis une semaine et je fus le deuxième véhicule à tester les ponts, en souhaitant bonne chance au suivant. Après des grosses tracasseries à la ville des Bagnons, j'obtins une prolongation de 2 mois du visa et une autorisation de circuler de 1 mois. J'ai pris la direction du nord vers la petite ville de Sambolabo, la lance des Samba. Quelques personnes à Bagnon, ville de 30 000 habitants, avaient parié que je n'arriverais pas à faire les 60 km qui me séparaient des 2 000 habitants de la lance des Samba. C'était compté sans ma détermination. Là, c'est sûr, on ne peut pas faire pire comme route. Passage des rivières sur poutres en béton, de passage à gué dans 50 cm de boue, côte à 20%, la population m'a aidé à pousser mes 3 tonnes jusqu'au sommet. Mais je suis arrivé. C'est le bout de la piste quadricycle. Le bout du bout, des bouts de route, mais pas de la boue. J'étais alors à 60 km à pied du point que j'avais déterminé mathématiquement comme étant le plus rentable et le mieux politiquement pour construire cette première fonderie au fourneau. J'avais ciblé cette zone en faisant un calcul barycentrique qui tombait juste entre le lac Tchad et les montagnes de l'Adamawa. Ces points étaient le milieu de toutes les réserves de minerais de fer du continent africain. Plus localement, l'aspect politique était primordial. Mon but était que cette technologie ne soit pas accaparée par une communauté. Elle s'en serait sans nul doute servie pour asservir les communautés voisines. J'allais donc sur la petite rivière Yim qui coule du Cameroun vers le Nigeria. En m'installant là, j'aurais à l'est le francophone, à l'ouest les anglophones, au nord le musulman, au sud les chrétiens. J'apprendrai aussi que ces points étaient sur les frontières de bien d'autres choses, ou autrement dit, ces points étaient à la jonction et les traits d'union de tous. C'était vraiment le lieu idéal. À mon arrivée à la lance des Samba, je fus accueilli par les chefs de la gendarmerie agriculteur, les pharmaciens, aubergistes et le futur pasteur charpentier. 3 personnes qui deviendront des amis. Après 4 mois de voyage continu, je pouvais consacrer mes journées à d'autres choses qu'avancer. Pendant une semaine, j'ai beaucoup discuté de mon projet. J'allais voir notamment les autorités dites traditionnelles. Elles sont bien plus influentes que les autorités dites officielles. J'ai donc discuté avec les chefs coutumiers, l'imam, les propriétaires de moulins, diesel, les boutiquiers vendeurs de fer. En ville, il y a 30% dits catholiques 70% du musulman, mais surtout 80% d'autres croyances surnaturelles, supernaturelles ou capitalistes. Au niveau des langues, il y a le français, l'anglais, l'arabe, le fulfulde, les nyam-nyam qui se mélangent ou se superposent. En résumé, ici, un seul but, vivre. Autour de l'agglomération, il y a principalement des éleveurs Fulani et le bétail est la principale source de revenus dans cette immense zone de pâturage. Il est à noter qu'en Fulfulde, ici Fulani, un fermier se dit Poulo, terme qu'utiliseront les colons pour diviser ces peuples sur les cartes. Ce qui se traduit par le peul, le poulard. En réalité, aucune discontinuité n'existe entre eux de l'Atlantique à l'océan Indien. Même langue et même culture. Mon ambition était de rejoindre en fourgon le lieu dit de l'embrassement de trois rivières, à 60 kilomètres, mais après avoir discuté avec la population, il s'avérait que ce projet était irréalisable. Je voulais vérifier en faisant une reconnaissance à vélo et aussi voir les lieux où j'allais construire le haut fourneau. J'enfourche mon VTT avec le nécessaire de survie pour une semaine. J'étais totalement inconscient des dangers de la jungle, mais super motivé. J'en rêvais depuis 4 ans. Après une discussion avec un guérisseur rencontré en chemin, j'ai fait un petit feu et passé ma première nuit dans mon hamac. Le lendemain, passage du col en dessous de la montagne des Vents pour rejoindre le village du Rissot-Léval. Ses habitants me conseillèrent de laisser mon vélo, mais méfiant, j'ai poursuivi avec, en ignorant leur savoir. Dommage, car par la suite, celui-ci me gêna plus qu'autre chose. L'herbe ayant une hauteur d'1,50 m, elle m'empêchait de pédaler. Mais mon plus gros problème était de pédaler vers où? Il n'y a pas de panneaux de signalisation pour les villages de la vallée aux épinards. Je me suis perdu. J'ai dormi sous la pluie, je ne sais où. Au petit jour, retour au village du ruisseau pour reprendre les bons sentiers. Après 10 km, je passe un village déserté par ses habitants, à la sortie duquel se trouvait un passage à gué de la rivière Yim. La pluie de la veille avait fait grossir les cours d'eau. Ces jours-là, il était impossible de le traverser. Sur les conseils d'un agriculteur, me voilà parti dans les montagnes pour rejoindre le village de la colline aux hyènes, en passant par les cols en dessous du mont aux oiseaux. Trouver un chemin dans toute cette herbe était périlleux. Finalement, j'ai fui mon campement à 1500 mètres d'altitude et mangé avec des braconniers attirés par mon feu. Vers midi, le lendemain, j'ai franchi les cols et entamé la descente vers l'embrassement des trois rivières. J'ai rencontré en chemin mes futurs voisins sur la colline aux hyènes. Certains étaient hostiles à ma venue pour des raisons que j'apprendrai plus tard. Puis, j'ai plongé totalement hors piste vers la rivière Yim sans pouvoir l'atteindre avant la nuit. Une nuit horrible avec un orage terrible dans une pente à 45 degrés. Ce matin, j'étais super fatigué quand je crus reconnaître devant moi le paysage de la photo satellite. J'ai sorti la feuille où j'avais imprimé la capture d'écran de la page Google Maps.